Si j'avais su que sur cette terre y a autant de guerres, j'aurais pas venu. Si j'avais su que ce monde-là a la tête en bas, j'aurais pas couru. Si on m'avait dit que le ciel ici se voile de gris, le jour et la nuit. Si j'avais lu les regards de peur dans le fond des cœurs, je l'aurais pas cru. Mais si j'avais su que de te voir nu me portait au nu, j'aurais accouru. Mais si j'avais su que de te voir nu me portait au nu, j'aurais accouru. Si j'avais appris des rois sanguinaires qu'ils mettent par terre des millions de vies, si j'avais compris que même les oiseaux vont vivre plus haut, eh bien j'aurais fui. S'il était écrit que même les fleurs n'auraient plus d'odeur, j'aurais presque ri. Et si seulement j'avais bien pu voir tous ces hommes en noir, j'aurais pris mon temps. Mais si j'avais su que de te voir nu me portait au nu, j'aurais accouru. Mais si j'avais su que de te voir nu me portait au nu, j'aurais accouru. Si on m'avait dit que tu étais là, n'attendant que moi dans cet ici-bas. Si tu m'avais dit même tout bas, qu'entre toi et moi, c'était pour la vie. Alors bien plus tôt, je serais venu dans ce monde nu, sans froid sur mes os. Alors sur le champ, j'aurais pris la clé du trésor caché dans ton cœur brûlant. Si j'avais su que de te voir nu me portait au nu, j'aurais accouru. Si j'avais su que de te voir nu me portait au nu, j'aurais accouru.